Grande Terre, Tour A, par Kadour Naïmi. Première partie, Nuages dans le ciel bleu. Chapitre 1er, Fatigue du héros. Les haut-parleurs des trois mosquées environnantes lancent les assourdissants et désagréablement entremêlés appels à la prière. Brusquement, ils sont accompagnés d'un bref et sec bruit métallique, mais personne ne l'entend. Trois jours après, une odeur très nauséabonde se répand dans les couloirs de l'immeuble. Édifié quelques décennies auparavant, il comprend 10 étages. Un voisin renifle avec dégoût, trouve la direction d'où provient la puanteur, la suit jusqu'à arriver à une porte. « Mais c'est celle du vieux Moudjahid !» constate l'homme, extrêmement étonné. Quelques instants après, la police, sollicitée par ce voisin, enfonce la porte. Au milieu du petit salon gît un corps sur le parquet, dans une flaque de sang séché. Tout près se trouve un pistolet. L'enquête établit que l'arme était possédée par le défunt lors de son engagement durant la guerre de libération nationale. La tragédie est connue très rapidement, d'abord dans l'immeuble Tour A, ensuite dans les autres tours du même genre du conglomérat d'habitat, enfin dans tout le quartier nommé Grande Terre. Personne ne tire de fierté de cette prestigieuse appellation, dont tout s'ignore le motif. La zone est également nommée Zitoun, c'est-à-dire olive, probablement à cause de la présence d'arbres de ce type. Concernant le suicidé, une phrase circule, prononcée et interprétée de manière différente. Le héros s'est fatigué. Les uns formulent la sentence avec une profonde admiration, mélangée de révolte. D'autres l'expriment avec une ironie frisant l'irrespect quand ce n'est pas la calomnie. Toutefois, la stupeur est générale dans les logis comme dans les magasins, sans parler du bar de la zone. Toutes les bouches posent la même question, pourquoi ? Voici les réponses entendues, les plus significatives. Omar, 35 ans, dont la barbe noire hirsute, la robe et les sandales montrent son adhésion salafiste, est un marchand de fruits présenté dans une charrette sur la petite place. Il décrète, totalement indigné, « Comment a-t-il osé mettre fin à sa vie alors que la mort doit résulter de la seule volonté de Dieu ? Cet homme est mort cafard, mécréant. Droit à Jahannama, l'enfer, la géhenne. » Akli, le boulanger kabyle, environ 25 ans, aux courbes minces et au visage bien dessiné, se contente d'un commentaire non-verbal, une profonde tristesse. L'épicier estime, à l'âge où il est parvenu, il aurait pu attendre quand même un peu, et Allah se serait chargé de le faire appeler chez lui. Le coiffeur Rachid, la cinquantaine d'années, au physique bedonnant, à la chevelure ondulée, bien soignée, d'une permanente bonne humeur souriante, déclare « Ce que l'armée coloniale n'a pas réussi, ni les gens qui nous gouvernent depuis l'indépendance, lui aussi l'Akdar l'accomplit de lui-même. » Ce dernier commentaire fait allusion à un comportement connu par tous. Juste après la proclamation de l'indépendance, l'armée de l'extérieur des frontières envahit le pays pour conquérir le pouvoir. Des combattants de l'intérieur, en défense de la démocratie, s'opposèrent à cette forfaiture. Si l'Akdar fut parmi eux, l'armée des frontières massacra sans état d'âme les contestataires. Si l'Akdar fut blessé, mais demeura en vie, toutefois la blessure de son âme, elle, resta indélébile. Les dirigeants de l'armée des frontières s'emparèrent du pouvoir, puis exercèrent une dictature militaire impitoyable sous couvert de socialisme. Si l'Akdar ne s'est jamais résigné à cette domination, il milita dans le parti clandestin du Front des Forces Socialistes. Il le quitta au moment où ce dernier fut accaparé par Hossein Aït Ahmed en excluant Abdelhafid Yaha. Cet autre dirigeant avait le tort de vouloir maintenir le parti pur de toute compromission avec le nouveau régime. Ensuite, quand un soulèvement populaire, en octobre 1988, obligea l'oligarchie régnante à accorder une certaine liberté en instaurant une sorte de démocratie contrôlée, si l'Akdar continua sa résistance de manière pacifique contre ceux qui demeuraient, selon son affirmation, des usurpateurs du pouvoir, des rentiers prédateurs au détriment du peuple. Si l'Akdar résista également d'une autre manière. Dès l'indépendance, il refusa l'allocation d'anciens moudjahides en déclarant « La recevoir de ces imposteurs, c'est les légitimer. Je préfère gagner ma vie en travaillant. » Il trouva un emploi comme simple ouvrier manuel dans une usine dépendante de l'État. Là encore, des ennuis se sont présentés. Élu secrétaire de la section syndicale de base, après une année, il en fut exclu par la hiérarchie, courroie de transmission de l'État. L'accusation fut « agitation contre-révolutionnaire ». En réalité, ce militant sincère et dévoué aux travailleurs refusa d'accepter des privilèges en échange d'une soumission à la volonté des autorités étatiques. Il préféra assumer correctement son mandat. « Ces travailleurs, déclara-t-il, m'ont témoigné leur confiance en me choisissant comme leur représentant. Et comme je n'ai pas été un harki du colonialisme, je ne le serai pas de la dictature, même si elle a l'imposture de se proclamer populaire. » Malgré son exclusion arbitraire du syndicat, lui, têtu, continua à pratiquer, parmi ses compagnons de travail, la résistance au despotisme. Résultat, le directeur de l'usine le licencia sans même lui donner un motif. Ce comportement augmenta l'amertume et la révolte de Silakdar. En effet, le directeur de l'entreprise se proclamait haut et fort progressiste et socialiste. Il faisait partie de la mouvance pratiquant ce qu'elle appelait le soutien critique au régime en place. Cependant, Silakdar s'était facilement rendu compte que ce soutien fournissait à ses adeptes de confortables strapontins dans l'administration avec les privilèges correspondants. Aussi, l'ex-Mujahid affirmait « Ce n'est pas là un compromis, mais une compromission. » Il ajoutait « Les pires ennemis du peuple sont parfois ceux qui se déclarent ses amis et ses défenseurs. » Ces propos eurent la conséquence d'isoler encore davantage ce résistant aux injustices sociales. Le directeur de l'usine, avec la hiérarchie syndicale étatique, stigmatisèrent Silakdar d'étiquette infamante, gauchiste, irresponsable, contre-révolutionnaire. C'était le désigner à sport et musique, appellation populaire ironique désignant la sécurité militaire, c'est-à-dire la police politique. On connaissait les traitements qu'elle réservait aux opposants, aussi cruels, sinon plus, que ceux pratiqués auparavant par les colonialistes, et les tortionnaires autochtones proclamaient leur fierté de faire souffrir davantage leurs victimes que les bourreaux colonialistes. Néanmoins, Silakdar persista à dénoncer autour de lui la caste dominatrice et ses valets, les souteneurs, il employait dessein ce terme, indiquant plutôt les proxénètes, critiques ayant avili le socialisme, le transformant en moyen d'acquérir des privilèges. Un jour, un homme, heurté par cette dernière observation, lui répliqua « Ces gens du soutien critique, tu n'as pas le droit de les traiter ainsi, ils ont connu la prison et la torture. » « Oui, » répliqua Silakdar. Mais dès que les détenteurs de l'État, mis en difficulté dans leur gestion du pays, eurent besoin de renforts, ces souteneurs critiques acceptèrent des emplois étatiques avec leurs privilèges pour calmer les révoltes populaires sous prétexte de lutte contre la réaction interne et l'impérialisme externe. Avec de tels propos, Silakdar eut néanmoins la chance de ne pas disparaître, suite à l'habituel accident mystérieux. Le motif était facile à deviner. Cet authentique résistant à l'injustice sociale était trop isolé. Et ses déclarations n'avaient aucune incidence sérieuse, donc pas besoin de s'en débarrasser. Silakdar avait une épouse, femme au foyer et deux enfants en bas âge. Quelques amis, constatant ses difficultés matérielles, voulurent lui porter secours financièrement. Il remercia avec reconnaissance, puis déclina l'offre. « Il y a des gens plus besogneux que moi. En ce qui me concerne, je trouverai une solution. » Un ami lui trouva un emploi comme gardien d'école. Vint alors la décennie sanglante. Elle ne surprit pas outre mesure Silakdar. Il n'était pas un expert en matière sociale, il possédait mieux. D'une part, l'intelligence des comportements humains, de leurs causes et de leurs conséquences, et d'autre part, le contact étroit et permanent avec les réalités sociales. Il avait remarqué le jeu pervers pratiqué par les dirigeants du pays avec la religion. Elle ne constituait rien d'autre qu'un moyen pour assurer leur domination. Le temps arriva où les islamistes totalitaires voulurent leur part de la rente pétrolière, et ce fut l'affrontement, pacifique par les élections, ensuite violent avec les attentats. Silakdar se trouva devant le pire dilemme de sa vie. Comment contribuer à sauver le peuple de la tragédie en combattant les fascistes islamistes sans renforcer la domination de la caste au pouvoir? Il décida rapidement. Le fascisme clérical est pire que l'oligarchie étatique. Le premier justifie ses crimes par une prétendue volonté divine, alors que la seconde se contente de se légitimer par sa participation à la guerre de libération nationale. Silakdar s'engagea comme patriote dans un groupe de milices populaires. De nouveau, les armes en main, il combattit les groupes terroristes. À l'avènement de la concorde civile, il ne demanda aucune indemnisation ni reconnaissance. « Je n'ai fait que mon devoir de citoyen », déclara-t-il. Comme gardien d'école, il est resté jusqu'à sa retraite. Néanmoins, partout où l'occasion se présentait, il continuait à dénoncer ce qu'il appelait les quatre fléaux du peuple. Le premier, les détenteurs du pouvoir, Ils sont des ambitieux égoïstes qui nous ont vaincus par la ruse, la trahison et la supériorité militaire matérielle constituée, alors que nous, combattants de l'intérieur, manquions d'armement pour affronter l'armada coloniale. Second fléau, la masse des nouveaux enrichis par la corruption. Ils soutiennent le régime ayant permis leur forfait. Troisième fléau, l'obscurantisme clérical. Il n'a pas renoncé à jouir de la rente pétrolière. Pour le moment, il se contente de sa mainmise sur le commerce informel ou l'import-export et utilise sa propagande religieuse pour obtenir par le consensus citoyen idéologique ce qu'il n'a pas obtenu par les armes. Quatrième fléau, les intellectuels opportunistes. Ils ont transformé l'idéal démocratique en un moyen leur procurant des privilèges de mandarin. Cependant, même les durs à cuire, c'est-à-dire à corrompre en échange d'avantages matériels, peuvent avoir leur moment pénible à affronter. Un soir, Sylla Gdar, très abattu, alla trouver son ami Sylla Fid. Celui-ci, un vieillard à son 75e printemps de vie, selon sa formule. De taille moyenne, le corps plutôt mince mais athlétique, les cheveux courts d'un blanc brillant, le visage aux joues bien rasées, avec une expression franche et chaleureuse. En particulier de ses yeux d'un marron clair émane un regard intense, curieux et bienveillant. Il est simplement habillé d'un pantalon bleu et d'une chemise blanche, modeste mais bien harmonisée, signe d'une élégance discrète. « Qu'est-il arrivé ? » demanda-t-il, très inquiet, à Sylla Gdar. Celui-ci le regarda un long moment sans répondre. Visiblement, il éprouvait une grande difficulté à parler. Son hôte attendit avec patience. Enfin, Sylla Gdar réussit à ouvrir la bouche. Il murmura du ton le plus triste. « Je viens de lire l'article d'un jeune Oranais, publié dans un journal appartenant à des membres du gangster mondial, le New York Times. Son texte réduit notre guerre de libération nationale à une farce risible de faux moudjahidines, vantards, imposteurs et profiteurs après l'indépendance. » Sylla Fid avait déjà connaissance de cet article, aussi ne fut-il pas surpris de la nouvelle. Toutefois, la réaction de son voisin l'étonna. Le premier déclara avec le maximum de prévenance. « Sylla Gdar, la sagesse populaire a déjà constaté. Il ne reste dans la rivière que ses cailloux. La mentalité harki ne s'est pas éteinte avec l'indépendance. Elle a pris une forme nouvelle. Avec tous les méfaits commis par les tigres assoiffés de pouvoir, qui se sont emparés de l'État par les armes, après l'indépendance, doit-on s'étonner de voir apparaître à leur suite des hyènes et des corbeaux? Vu la nature de la société humaine, les Algériens qui en font partie sont divisés par leurs intérêts. Les uns, comme toi, Sylla Gdar, sont animés par l'exigence de dignité personnelle et collective, au point de consentir à y sacrifier leur vie. D'autres, au contraire, sont obsédés par le pouvoir, la gloire et l'argent. Pour y parvenir, le moyen justifie la fin. La force militaire chez les uns, les cris calomniateurs chez d'autres. Sylla Gdar garda le silence un long moment. Enfin, il déclara. Oubliez tous les sacrifices consentis par le peuple algérien, au point qu'un journaliste de ce même peuple se permette de caricaturer ce combat, en insultant la mémoire de tous les morts et de tous les rescapés de cette guerre de libération. Ce n'est pas seulement assassiner une deuxième fois les morts, c'est en plus cracher sur eux et sur les survivants. Le visage ridé, tendu du vieux résistant, survécu à la guerre anticoloniale et à la résistance à la dictature indigène, se baignèrent de larmes. Jusque-là, brillant dans ses yeux, elles coulèrent soudain en grosses gouttes. Sylla Fid en fut douloureusement remuée. Sylla Gdar baissa la tête, puis ajouta. « Les tortures que l'armée française m'a fait subir m'ont fait moins mal que l'article de ce journaliste. Cependant, ce n'est pas à lui que j'en veux, mais aux détenteurs de l'État. Par leurs odieux méfaits, ils ont permis qu'un jeune Algérien en arrive à réduire le combat d'un peuple à une rente de vantards imposteurs et ridicules. Je ne m'y attendais pas, je ne l'avais pas prévu. » Un autre événement surprit Sylla Gdar. À l'école où il travaillait comme surveillant, un instituteur, se vantant d'être écrivain, critique, littéraire et enseignant, envoya un texte à un journal local qui le publia. Sylla Gdar y fut accusé d'être un dangereux agitateur extrémiste, athée, certainement lié avec des forces étrangères hostiles au pays. Par chance, le directeur de l'école ne tint aucun compte de cette vile et inconsistante diffamation. Quant à Sylla Gdar, il envoya un droit de réponse au même journal. Il affirma, entre autres, « Quand l'imposture se travestit en patriotisme, le combat pour la vérité n'est que plus nécessaire. » Pour finir, le destin n'épargna rien à cet homme, citoyen intègre et courageux. Son épouse fut atteinte d'un cancer foudroyant. Elle en souffrit atrocement durant plusieurs mois, au bout desquels elle expira. Concernant ce tragique malheur, Cilagda déclara publiquement ne pas admettre cet inacceptable défaut de nature, quel que soit son auteur. Par cette phrase, le veuf était conscient de heurter les convictions de beaucoup de ses interlocuteurs. Toutefois, le caractère de Cilagda était ainsi une totale franchise, sans tenir compte du risque encouru. Depuis lors, il restait seul dans son appartement. Ses deux enfants, déjà mariés, vivaient dans leur maison réciproque, l'un à Alger, l'autre à Tlemcen. Le père ne leur racontait rien de ses heurts et malheurs pour ne pas leur causer d'ennui. « C'est à moi seul d'assumer mes responsabilités. »